l'équipe de France. Ça m'a fait rire, mais je pense que c'est moyen quand même. Il est signé. Avec les cons qu'il y a là, tous ces cons, on va s'en occuper. Laurent Malouda. Ah, salut les amis, je voudrais d'abord, dans un premier temps, féliciter Didier, hein, puisque sa femme a eu un prix pour un de ses articles, c'est beau. Et Fred, je me demande, t'as pas bien une de tes femmes qui a gagné un concours de lap dance, toi, ce week-end, non? T'as vérifié, non? T'en parles jamais à chaque fois. Bizarre. Bah, sur le nombre, t'es sûr d'en avoir au moins une dans les trois, quand même. T'as une médaille, quoi. Tout ça est bien sûr complètement faux. C'est un fantasme de ma part. T'as une vie d'asset. C'est limite déprimant. On sait que ta maîtresse, c'est Florentino. On le sait tous. Hein. Les autres Florentina, comptent... Florentina. Florentina, ouais. Fifi, alors Fifi nous a dit qu'elle avait fait une blague sur Sablé qui était nantais. Oui, je suis désolé. Oui, c'est, non, parce qu'elle est beurrée, nantais. Je voudrais que dans ton championnat, les mecs beurrés, il y en a un paquet. Ils pourraient venir jouer à Nantes, hein, à mon avis. Il y a largement la place. L'OM. L'OM, alors, il a été dit que l'OM avait un très bon calendrier. Vous avez entendu qu'il y avait, tout à l'heure, il y avait un auditeur qui a dit. Ouais. Et c'est vrai, moi j'ai regardé leurs 19 premiers matchs, c'est un bon calendrier, il n'y a que des équipes de Ligue 1. Alors franchement, s'il ne peut pas faire mieux comme calendrier, moi je connais plein d'équipes comme Arsenal ou d'autres qui aimeraient vraiment avoir ce calendrier-là, quoi. Mais bon, en même temps, c'est pas le meilleur. Le meilleur calendrier, ça reste celui du Stade français, pas vrai, Fredo? Alors. pour le Marseille. Marseille est horrible. Hein, non, je lui fais une réputation, mec, c'est horrible. Ouais. Le pauvre, alors. Je voudrais quand même parler de l'OM. L'OM, donc, quand même que Rémi, c'est quand même incroyable ce joueur. Tu te rends compte que si Rémi il se blesse, on rigole, mais derrière il y a Brandao et Gignac. T'imagines si Paris, c'est comme si nous, Gamero se blesse et derrière on a Erding, Haro, tu vois. Ah ouais, ah merde. Ouais, c'est pareil. Donc, il n'y a pas de quoi se marrer. On est censé être milliardaire, mais bon. Lille. Alors on a dit que l'OM c'était le carré solide. Moi j'ai vu Lille derrière, c'est un peu le carré liquide. Hein. C'est je sais pas ce qu'il faut qu'ils fassent quelque chose. C'est comme Nancy, c'est le carré morbide. Et c'est pas la fête pour eux quoi. Mais bon. Montpellier. Alors toi t'as dit que Giroud c'était le Drogba blanc. Mm-hmm. Et c'est vrai que j'ai regardé, c'est un truc, c'est un peu comme Gignac, c'est un peu le Papin gros. Valbuena c'est le Waddle nain. Et Baebek c'est le Nani nul. Ça marche aussi. Le Nani nul. Le Waddle nain, ça marche. Hein. Alors, je voudrais aussi revenir sur Carlo Ancelotti. Faudrait qu'on arrête. On se détende un peu sur Carlo Ancelotti parce qu'on en a tour partout. Mais quelle classe, Ancelotti. Tu sais, Ancelotti lâche une caisse. C'est la fleur, tu vois. T'as l'impression que c'est la classe, Ancelotti. Quelle classe et tout. Ouais, il a fait la head honneur au mec, tu sais, du club de Locminé. C'est vrai que ça a toujours été ça, Ancelotti. C'est la classe, c'est le Milan AC qui. Tu te rappelles en quart de finale en 91, ils avaient eu vachement la classe aussi quand ils étaient menés au score et qu'il y a un projo qui s'était éteint. Ben, ils avaient eu la super classe, ils voulaient arrêter le match. Tu sais, les mecs, vraiment la classe. Ils veulent arrêter le match parce qu'ils reconnaissent la supériorité de l'adversaire. C'est pas du tout pour déposer. Lui, hein. C'était pas lui. Non, mais lui, il était pas dans le coup, lui, il était pas dans l'équipe. Pas du tout. Pas du tout, il était pas dans l'équipe en 91. C'est pas lui qui prend cette décision. Non, mais bon, il fait partie de cette équipe qui a fait d'ailleurs une head honneur à l'OM. Allez, ou un bras d'honneur. Je sais plus. Enfin bref, en tout cas. C'est pas vraiment la classe. Même, d'ailleurs. Si, bah, moi, excuse-moi. J'ai un doute. Bah, demande à Didier, tu vas voir s'il y était pas. La classe, quoi. On n'arrête pas de nous dire c'est la classe. Non, c'est vrai qu'en même temps, pour l'instant, c'est vrai que c'est la classe, quoi. Moi, je déconne, mais c'est la classe. C'est Baresi qui fait ça, et lui a démontré par la suite qu'il n'en avait pas tellement de classe, effectivement. Ah, on est d'accord. Baresi, mais pas Ancelotti. Non, c'est vrai. Non, mais je déconne. Ancelotti était remplacé par Massaro à la 60, je sais pas combien. Ouais. Enfin, non, mais vous savez bien que je tape un peu sur Ancelotti parce que pour pas faire un peu taliban du Paris Saint-Germain, tu sais qu'il défend toujours le club. Raison, hein, à un moment donné, faut aussi dire du mal. Surtout que c'est vrai que c'est la classe. Alors attention, pour nos vieux auditeurs, c'est pas la classe de Fabrice, hein. C'est pas la classe sur FR3. Parce que c'est la classe avec Blaise et Lagaffe. Non, parce qu'à l'époque, Blaise et Lagaffe, ils étaient titulaires à la classe. Alors que là, Blaise, il est sur le banc à cause de Sissoko et Lagaffe, il est parti à la CAN. Donc, ça, c'est pas la même chose, quoi. Le pauvre Lagaffe. D'ailleurs, tu sais que, moi, je pense, Erding, O'Haro et, comment il s'appelle, et Tiene, je pense qu'ils vont finir, ils vont pas être dans le sapin, ils vont être dans le sac à sapin. À mon avis, ils vont terminer. Le sapin de Noël, ils vont finir dans le sac. J'ai appris aussi qu'ils avaient essayé d'envoyer, à La Roche a essayé d'envoyer Erding à la CAN. Hein. Et il lui a dit, dis donc, excuse-moi, je crois qu'il y a, ça y est bon, tu veux partir à la CAN. Erding, il dit, mais je comprends pas, non, attends, on n'est pas en Afrique, nous, la Turquie. Comment ça, c'est pas en Afrique, la Turquie, t'es sûr? Ah non, je te jure, mais si, c'est pas en Afrique. Putain, je suis allé en vacances à Izmir, c'est l'Afrique. Non, c'est l'Europe. Comment ça, c'est l'Europe? Mais si, on joue à l'Euro. Attends, tu joues à l'Euro, toi? Non, mais non, parce qu'on n'est pas qualifié, mais normalement, on joue l'Euro. Comme Israël. Israël, ils sont en Europe. Ils sont en Europe, Israël? Bah oui, en foot. Eh ben alors, pourquoi tu pourrais pas être en Afrique, toi, si Israël est en Europe? Qu'est-ce que tu nous emmerdes? Tu vas prendre le charter, tu vas y aller direct à la... l'Afrique. Oh là là, non mais c'est vrai que c'est ingérable ces joueurs. N'empêche qu'Ancelotti nous a fait un petit peu peur au début avec ses choix tactiques, hein, parce que franchement, Bissevac arrière droit, Jallet milieu def, Menez en pointe, et pourquoi pas Tierney arrière gauche quand même. Faut pas... Oh là, mais je te jure, les mecs, ils sont complètement fous. La polémique, c'est vrai qu'on oublie un peu la polémique autour de Kouambouaré, hein, tout d'un coup. Hein, moi, j'ai entendu des trucs au parc, c'était et il est où Kouambouaré? Et Kouambouaré, tu te sales? Non, tu vois, donc, non. Faut quand même rester raisonnable. C'est vrai que c'était quelque part, c'était un choix logique parce que l'objectif du PSG en début de saison, c'était 3 titres. Bon, ben, il s'est fait éliminer de 2 compètes, c'est plus possible. Il le dégage, il le remplace par un cadre qui est blindé de titres. Eh ben, Evian Tonon Gaillard, c'est pareil. Les mecs, ils savent garder le cap sur les objectifs. En début de saison, le président, il a bien dit, on joue le maintien. C'est quand même pas compliqué, le maintien. Et Gazzoni, qu'est-ce qu'il fait? Il est 11e. Non, mais ça va pas ou quoi? On n'a pas dit le milieu de tableau, on a dit le maintien. Alors, on le dégage et on met un cadre. Comme pour le PSG, on met un cadre du genre, mais Pablo Correa. Lui, il a jamais été au-dessus de la 15e place en 10 ans. Ça, c'est du palmarès. C'est le José Mourinho du relégable. Respect. D'ailleurs, ça va pas louper contre Dijon. Pam, il en prend 3. Le fameux choc psychologique. Mais attention, il faut pas s'enflammer. Il l'a dit, on s'enflamme pas. C'est un bon résultat, mais on n'est pas à l'abri d'un gris-gris de Leroy et d'une volée de Barbosa. Donc, on reste calme. Non mais c'est vrai que on tape souvent sur Correa, mais les gens se plaignent qu'ils veulent voir le Barça tout le temps. Mais avec lui, toutes les équipes en face, on dirait le Barça. C'est pas bon ça? 85% de possession de balle, qui que tu sois, même Marc Lavignon. Quand même respect quoi. Non, je voudrais aussi parler de du retour de Brandagol. Donc Brandagol qui revient chez les Deschiens. Et donc bah, il a été accueilli bonjour, moi bien chercher Morel, hein, bonjour. Hein, alors on a reçu, on a retour d'un grand attaquant à nous, hein, ça fait plaisir, il est là. Salut à la Brandagol, bonsoir. Chosine. Ouais, bonsoir Brandagol. À la Brandagol, hein, c'est un vrai choix, hein, c'est un choix du cœur, hein, c'est un choix du sportif. Hein, il nous revient, il est en pleine forme, hein, en pleine forme. Hein, tu n'es motivé, hein, Brandagol, tu es motivé? Ah oui, si, je suis motivé. Tu n'as envie de tout casser, hein? Tu n'as envie de tout casser les... tout casser, attention, hein, tu te calmes, hein? Tu ne casses pas les infrastructures, hein? Tu ne vas pas casser les voitures, hein? tu ne casses pas les fesses des dames, tout ça. Tu n'as envie de mettre des buts. Hein? Tu n'as envie de mettre des buts, hein? De claquer, hein? Tu ne veux claquer? Tu ne veux claquer, Brandagol? Ah oui, moi je veux claquer, je claque les fesses de la fille, là c'est pas... Non, yo! T'as pas entendu ce que je t'ai dit? Dis donc, on ne claque pas les fesses, alors! Claque pas les fesses des filles, alors! Qu'est-ce que ça veut dire, là? C'est le même souci, elle te demande! Non, tu dois claquer des buts, tu dois ramener l'OM au Zénith! Ah, mais je suis pas chanteur, moi. Non, mais hein, il est con, alors! T'es complètement débile, le Zénith, c'est pas pour chanter! Au Zénith, au Pinoc! Hein? Au Pinoc, au firmament! Ah non, touche pas la maman, sacré la maman. Ah putain, c'est pas vrai, mais il est quoi de bord débile? Non, mais on veut que tu marques des buts, on te demande pas de faire la dictée de pivot! Ah, mais y a déjà Loïc Rémy. Ouais, mais si on joue en code 2, Loïc Rémy en 4-4-2, tu tournes de tour, puis tu joues à Rémy comme un pivot! Ah, mais je fais pas la dictée, moi. Ah merde! Je craque! Non, je voudrais quand même dire sur Brandao que n'empêche qu'on se moque de lui. Mais il entre dans la légende. Il rentre dans le 11 de Marseille, le 11 d'or, avec Jackie Lemat, Francis Lebelge, les frères Guérini, Gaëtan Zampa, Carbone et Spirito. Et avec ce qu'il a fait, on a bon espoir, parce qu'on n'oublie pas qu'il aura peut-être une relaxe, parce qu'à Marseille, à 50 ans, si t'as pas une relaxe, t'as peut-être un peu raté ta vie. Et surtout ton procès. Je veux finir avec une chanson. Quel niveau, les amis. Une chanson pour un joueur de l'Olympique de Marseille qui le mérite. Attention, c'est parti! Yep! Un peu plus fort la musique. Quand t'es un ciel orienté, que tu veux pas végéter, il faut te faire transférer dans la belle équipe à Dédé. C'est bon pour le Morel, c'est bon pour le Morel, c'est bon pour le Morel. C'est bon pour le Morel, le plus beau des latéraux, dribble à la Leonardo, mais faut pas qu'il en fasse trop, ils ont l'habitude de Taïwo. C'est bon pour le Morel, c'est bon pour le Morel, c'est bon pour le Morel, c'est bon pour le Morel. Jérémy, oh oh oh, c'est lui, oh oh, Jérémy, Jérémy, pour la vie, eh ouais, tous avec Jérémy Morel, qui est débordé sur la côté gauche, ah oui, c'est lui qui mène la Moros, et frappé centre, la tête de Laurent Robert, qu'a mangé Axel Boer, encore un peu de crème solaire, était le roi de la canne et bière, c'est bon pour le Morel, merci, bonsoir.